Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp, ayant pour titre « Le mystère ou les mystères des moines tibétains ». Donc, vous avez réussi à trouver l'endroit, ça va être une soirée relaxe. Nous sommes dans l'Agartha. C'est ça que je me présente, Charles Villeneuve. François Martel. Annie Poisson. L'autre à l'autre bout, c'est Daniel Kemp. C'est lui qui répond. Nous, on interroge. Est-ce qu'il y a des... qu'un moine tibétain? Non, j'aurais dit qu'est-ce qu'un mystère? Qu'est-ce qu'un mystère? Attends un petit peu, une plus dure que ça, là. Y a-t-il encore des moines tibétains qui sont mystérieux? Il y a encore des gens qui habitent au Tibet, il y a encore des moines tibétains. C'est ça qui est le mystère, finalement, qui habite encore là. Non, ben oui. Mais c'est un mystère chez l'humain. L'humain habite souvent des contrées qui sont à peu près pas habitables. Et parce qu'il, traditionnellement, il reste là, un peu comme les Inuits dans le Nord, comme les personnes qui vivent dans les pays, dans des déserts. Les hommes bleus, les Touaregs, il y en a encore dans les déserts en Afrique. Et on a les Pitjantjara en Australie, on a des fils à l'intérieur. Il y a des individus qui habitent encore des régions qui sont théoriquement, enfin, plus ou moins inhabitables. Et c'est déjà un mystère que des gens vivent encore au Tibet, dans l'Himalaya, parce que, à part le yak, que la majorité ne mange pas, il y a de la tsampa, c'est une espèce de farine mélangée avec de l'eau, puis on s'en sert de temps en temps comme colle quand on travaille à l'école, là. Il n'y a pas grand aliment, il n'y a rien qui pousse. Leur occupation principale, c'est les moulins à prière. Est-ce que c'est les mêmes communautés qu'avant? C'est les mêmes communautés qu'avant, et c'est d'ailleurs les mêmes êtres humains qu'avant. C'est pas les mêmes corps physiques? Non, c'est pas les mêmes corps physiques, mais c'est les mêmes êtres humains qu'avant. Alors, remarque, ils ont l'air d'être les mêmes corps physiques. Franchement. Mais effectivement, le phénomène du Tibet surtout, c'est que bon, l'Himalaya, c'est une montagne qui est relativement neuve, qui a sorti à un moment donné quand deux plaques tectoniques se sont appuyées les unes sur les autres, un peu comme c'est arrivé pour les Andes et Rocheuses, qui sont des montagnes neuves aussi. Et là, est apparu l'Himalaya. Dans l'Himalaya, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il y a des couloirs, il y a des souterrains. Il y a des vallées avec des microclimats. Donc, il y a dans certaines régions de l'Himalaya, autre chose que de la neige, des yaks et des yétis, il y a de la végétation. Il y a des forêts qui sont relativement vertes. Il y a de l'eau chaude et des sources thermiques qui sortent par là. Les sources thermiques créent contact avec la froid des nuages. Ces nuages-là vont rester des nuages relativement pleins d'eau, donc c'est assez humide. Et ça reste en basse altitude à cause du poids. Il n'y a pas de vent suffisant à cause des montagnes pour pousser les nuages ailleurs. Le nuage finit par créer une espèce de masse qui va engendrer un effet de serre en dessous. Alors, les rayons du soleil vont traverser les nuages. Au contact du sol, les rayons du soleil deviennent de l'infrarouge. L'infrarouge, c'est de la chaleur, et l'infrarouge ne traverse pas les nuages. Donc, il y a un effet de serre localisé, ce qui va engendrer à la longue un microclimat. Donc, il y a des régions dans l'Himalaya où on aurait plus chaud qu'ici même ce soir. Il y a même des régions où on aurait très chaud. Mais c'est pas tout le monde qui est dans ces microclimats-là ou ces vallées paradisiaques, dans le sens que ça a été utilisé par certains individus et non pas tout le monde. Bien, c'est-à-dire que déjà, voyager dans l'Himalaya, c'est un cadeau, c'est déjà une aventure. D'ailleurs, Indiana Jones a passé à peu près 5 minutes d'un film dans l'Himalaya. Pas plus, juste pour vous dire comment c'est compliqué l'Himalaya, dans le premier film. Pour voyager dans l'Himalaya, on doit monter, descendre, tomber. Mais quand on tombe, on se réincarne. Et puis, on amène des yaks, et puis on se promène. Puis, normalement, tu suis un sentier. Pour découvrir les microclimats, faut qu'un individu voyage. La seule façon de visiter l'Himalaya pour découvrir les vallées à microclimat, c'est par voyage astral. Et les moines tibétains sont passés maîtres du voyage astral, c'est-à-dire de voyager sans leur corps physique. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de caché, là? Caché. Caché, c'est avait qu'on peut pas le voir. Caché, mais à autre chose que les arbres, puis la verdure, puis les sources d'eau chaude, est-ce que ce microclimat-là permettait à quelque chose d'intéressant de se produire qui faisait qu'il y avait un regroupement d'individus-là qui étudiaient? À moins 40 sous zéro, aller te baigner, c'est déjà intéressant. C'est déjà pas pire. Oui, mais je veux dire quelque chose d'ésotérique, là. Oui. C'est que les Tibétains, par voyage astral, premièrement, donc par sortie, par extra-conscientisation corporelle, vont voyager dans l'Himalaya. Ça ne dérange pas trop s'il fait froid. Voyagent, traversent les montagnes et ils ont découvert Et les microclimats ont été trouvés. Premièrement, il y en avait déjà des vallées qui avaient été trouvées il y a plusieurs milliers d'années. Mais la majorité des microclimats ont été découverts lorsque la Chine a tenté d'envahir le Tibet. Ça veut dire que le Dalai Lama était encore à Lhasa. Lhasa, c'était un monastère qui contenait plusieurs milliers de moines, parce que les monastères au Tibet sont gros comme plusieurs villes ici au Québec, ou plus gros que des villages. Et ils sont totalement autarciques, ça veut dire qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont la culture, l'agriculture, ils ont les médecins, ils ont la religion, ils ont la violence, ils ont tout. Bon, alors c'est vraiment une micro-société qui est totalement autarcique, qui est libre, qui est autonome. Quand les Chinois ont voulu envahir le Tibet pour plusieurs raisons. La première, c'était pour essayer d'avoir accès au haut plateau de l'Himalaya, de façon à placer des fusées porteuses de missiles nucléaires dans le but de, un, se venger du Japon, puis deux, ben finalement, conquérir la planète Terre, parce que leur peau est couleur du soleil aussi. Alors, ils pensaient que les dieux les avaient créés pour dominer la Terre. Ils auraient été proches aussi des Russes, le reste. Évidemment, mais d'ailleurs, c'était un problème, les Russes n'ont pas aimé. L'autre chose, c'est que, légendairement, les Tibétains conservent des secrets extraordinaires. En l'occurrence, le secret de la lévitation, à part le Nazaréen, puis à part certains personnages dans la Bible qui, apparemment, à un moment donné, ont flotté dans les airs, comme le Nazaréen avec, qui est parti avec Élie, bon... À part ces quelques rares-là, la majorité des légendes de lévitation, ça veut dire être capable de voler, hein? Superman, c'est une dernière parmi les légendes, viennent du Tibet. Les Chinois qui ont été au Tibet, les Indiens, les Hindous, qui ont été au Tibet, la majorité des visiteurs avant l'invasion chinoise ont rencontré des personnages qui étaient capables de changer de l'eau en glace, de la glace en eau. On ne l'a pas demandé pour le vin, là, Marc, peut-être qu'il aurait été capable aussi. Et c'était des personnages qui souvent entraient en transe, puis dans leur transe, ils commençaient à flotter. Puis quand ils se détransaient, bien, ils tombaient. Mais ils se sont habitués. Des personnages qui avaient la capacité de métagnomie. Des personnages qui avaient la capacité de cumberlandiste. Des personnages qui avaient des capacités psychokinésiques. Extraordinaire. Et puis... Est-ce que ça fait partie du secret? Ah, je pensais que tu avais demandé c'était quoi les mots. C'était quoi ça, c'est ça? Je connais déjà. Ces personnages-là, donc, étaient réputés pour leur capacité à faire bouger des objets, télékinésie, psychokinésie, à trouver les gens perdus. Il y en avait plusieurs là-bas. Il y a eu un accident. Il y en a un qui se mettait à flotter, là. Ah, il voyait un accident, il capotait, il tombait à terre. Là, après ça, la lamasserie, c'est des lamasseries, les monastères là-bas. Les moines organisaient une expédition guidée par une personne capable de cumberlandiste, capable de retrouver les choses perdues, les gens perdus. Et là, on s'en allait, puis celui qui avait vu la vision pouvait décrire un peu, telle montagne près du yak brisé, ça c'est une roche. Et puis là, les gens partaient, les gens trouvaient les personnes qui étaient tombées, disparues, blessées, etc. La métagnomie, c'est surtout aux Indes et au Népal et en Himalaya que ça a été connu. La capacité de prendre un objet, de fermer les yeux et de lire toute son histoire par les mains. Donc, de savoir à qui ce bijou a appartenu, de remonter l'histoire à travers l'objet. Et ça, c'est une qualité qu'on retrouve rarement dans l'Himalaya, mais qu'on retrouve quand même, et qui a surtout servi à la reconnaissance de la réincarnation du Dalai Lama. Bon, le Dalai Lama, il meurt, on prend des bijoux, on prend certaines choses, et puis on les cache. Le Dalai Lama, en mourant, dit qu'il va se réincarner à telle ou telle ou telle place dans le Tibet, et telle dans 3, 4, 5, 15 ans. Et dans l'approximation de ce qu'il avait prédit, on va se promener avec les objets en question. Et quand on rencontre des enfants qui ont des caractéristiques particulières, des enfants qui sont plus évolués, des teflons finalement, qui ont un développement psychologique précoce, qui privilégient l'intelligence, etc., on va leur présenter des objets. Alors, celui-ci appartenait au Dalai Lama, un crayon blanc et noir. Celui-ci n'a jamais appartenu au Dalai Lama. Et là, on va présenter une panoplie de crayons, par exemple, à certains jeunes qu'on pense que dans la région qui a été ciblée. Et par métagnomie, il y a un jeune qui prend le crayon noir, puis qui dit, il n'a rien à faire. Il prend l'autre crayon, puis à un moment donné, il se met à trembler. Puis là, il dit, ça c'est à moi. Bon, métagnomie, il vient de remonter les schémas réincarnatifs, et ce qui va faire en sorte qu'il va se réveiller à sa mémoire. Donc, la métagnomie est surtout connue dans l'Himalaya, au niveau des moines tibétains. Mais les moines tibétains ont aussi été les premiers à travailler intensivement sur l'ouverture du troisième œil, suite à l'enseignement hindou, bouddhiste, parce que les moines tibétains vont surtout vivre d'une religion, c'est le bouddhiste tibétain. Bon, eux aussi pensent qu'on se réincarne sans arrêt, puis on revient, puis on se réincarne, puis on revient, etc. Et il y a une roue, c'est plusieurs centaines de milliers d'années qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes rendus, disons, dans une qualité technologique comme on la connaît, mais que dans 200, 300, 400 000 ans, on va revenir à l'homme des cavernes. Selon la roue du bouddhiste tibétain, c'est un peu l'histoire. Maintenant, les Tibétains, comme Bouddha d'ailleurs, pensent que quelque part, on doit être capable d'arrêter la roue puis sortir de la roue. Donc, tu laisses l'univers continuer à tourner, mais toi, tu le fuis, tu le quittes. Bon, tu peux sortir de la création. Et les Tibétains, ce qu'ils vont faire, nécessairement, le Dalai Lama va être la représentation de celui qui a le plus grand, les plus grandes connaissances. Mais le Dalai Lama est surtout, apprécié. Il va être respecté, surtout parce que c'est l'un des rares Tibétains, à part certains lamas dans les lamasseries, des grands lamas. Dalai Lama, c'est le plus grand, puis c'est le gardien du bouddhisme tibétain. À part le Dalai Lama, il y en a quelques autres, mais lui, il a la capacité de se rappeler, très bas âge, ses autres vies. Donc, il est capable de dire, ça, on l'a déjà essayé, faites plus ça. Non, ça marche pas. Bon, il est capable de diriger spirituellement d'une façon beaucoup plus stable qu'un individu qui doit sans arrêt lire les livres sacrés, comme la Bible, par exemple. Le premier évangile a été écrit plus de 90 ans après la disparition du Nazaréen. C'est très coloré. Alors, lui, il est capable de revenir puis de corriger le Barbe de Tadol, par exemple, le livre des morts tibétains. Il est capable de corriger ces choses-là. Quand on parle des mystères liés aux moines tibétains... Mais ça y donne quoi de se rappeler, par exemple, de ce qu'il a déjà fait? Me rend compte. Parce qu'à un moment donné, il me semble qu'ils ont arrêté d'évoluer. En tout cas, au niveau extérieur, là, ça semble être stagnant. C'est-à-dire qu'ils ont atteint une très, très forte évolution psychologique par rapport au moment. Il y a 200-300 ans, ils étaient effectivement très évolués. Mais aujourd'hui, être très évolué, puis être dans un temple ou être moine en quelque part en haut de l'Himalaya, dans l'actuel ou dans la société, il me semble que ça ne donne pas... Il n'y a pas de résultat. On ne matérialise pas la connaissance. Bon, le gros problème de l'humain, c'est que astralement, psychologiquement, émotivement, à un moment donné, on lui donne un poste. Ça veut dire que la personne, elle veut évoluer, elle veut se conscientiser ou elle veut s'en sortir ou elle veut changer le monde. Puis à un moment donné, bien, quand on lui donne un poste astral, un poste psycho-émotif, elle arrête. Elle pense qu'elle est rendue. Bon, alors la personne, c'est un député, pas député encore, elle veut changer un paquet de choses, puis quand on lui dit, écoute, toi, là, à cette telle place, on te donnait 35 000 de plus par année, puis tu vas avoir une Cadillac, tu vas avoir ci, ça, et la personne est tellement bien, là, c'est un poste-là, elle ne fait plus rien pour rien changer. C'est une problématique. Dans les religions, on a la même chose. Celui qui veut être pape, il fait plein de choses, rendu pape, il stagne un peu plus. On a ça partout. Dans le phénomène tibétain, on a la même chose, c'est qu'à un moment donné, les moines, un peu avant l'invasion chinoise, ils ont déménagé une grande partie des secrets de Lhasa. Ils ont déménagé une grande partie des livres de tous les secrets qui permettaient l'enseignement, l'ouverture du troisième œil par chirurgie frontale. Ils ont déplacé donc un paquet de choses. Ils ont caché ça dans ces endroits-là, dans certaines des vallées assez reculées. Et ils ont pris les meilleurs moines qu'ils connaissaient, donc des moines capables de... biologiquement, physiquement capables de faire la démarche, amener leur corps physique avec le matériel à cacher jusque dans ces microclimats, ce qui n'était déjà pas un cadeau parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il neige dans l'Himalaya. Et puis, le problème de la neige, comme d'ailleurs dans l'Arctique ou dans l'Antarctique, c'est que ça crée des ponts de neige par-dessus des crevasses. Puis, quand tu passes là-dessus, ben, de temps en temps, tu prends l'ascenseur. Bon. Mais le matériel à cacher, c'est des livres? C'est des livres, c'est des potions, c'est des plantes, c'est des graines. Est-ce qu'il y avait des disques aussi? Laser. Des disques, pas laser, mais c'est pas fou. C'est des disques dans... C'est que l'Obsidian Rampa, il en parle. Il y a une bibliothèque avec des disques et puis ça a l'air un peu d'un hologramme. C'est-à-dire, ils mettaient ça dans un appareil puis ça lisait. L'Obsidian Rampa, mardi, Tuesday, l'Obsidian Rampa. L'Obsidian Rampa, c'est un bon bonhomme qui n'est pas né au Tibet puis qui, à un moment donné, s'est fait voler son corps par un Tibétain qui se réincarnait à travers lui. Progressivement, le corps, comme ça arrive lorsque un être contrôle est capable de prendre quelqu'un qui veut se suicider, l'amener dans le monde de la mort, prendre quelqu'un qui est en train de mourir et qui doit continuer à vivre, puis le déménager dans le corps de celui qui allait se suicider. Celui qui allait se suicider ne se suicide plus. Puis 5, 6, 7 ans après, il y a des cicatrices qui vont commencer à apparaître dessus. C'est celle de l'expérience astrale de celui qui était mourant. Et lentement, il va changer progressivement. Il va finir par, évidemment, il ne pourra pas muter son corps au complet. La génétique de l'autre va quand même le limiter. mais il va avoir une tendance. L'homme sans rempart, c'est ce qui est arrivé un peu à un moment donné. C'est un bonhomme qui voulait se suicider. Et il y a des aides de contrôle, c'est une mécanique trop longue à expliquer, qui ont amené un moine tibétain à s'incarner chez lui. Et lui a finalement, lorsqu'il devait s'en aller, n'est pas parti. Du monde de même qui change dès la dernière minute. Lui, c'en est un. Alors là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a commencé à revivre toute l'expérience du jeune, mélangée à la coloration de son expérience, c'est-à-dire de sa vision de ce que ça donnait. Autrement dit, il s'est créé un personnage entre l'imaginaire du bonhomme en question et de la réincarnation du Tibétain. Alors, ce qui fait qu'il y a plusieurs choses qui sont fausses. Quand on regarde, par exemple, la mission fondamentale de l'Absam Rampa, selon ce qu'il a écrit, est-ce que je sais, j'ai pas lu tous ses livres, mais c'était de fabriquer une machine, un appareil photographique capable de photographier l'aura. C'est pas lui qui l'a trouvé, la machine, ça s'est fait en Allemagne, ça a migré un peu par l'effet Carlier, entre autres. Bon, bref, il a vécu longtemps à Montréal, habité au 67. Et puis, c'est un bonhomme qui... Mais la mission, c'était-tu de... C'est que le Tibétain peut rester longtemps chez lui. Fait qu'il a laissé une coloration, mais ça fait en sorte que tout le monde a entendu parler des lamas tibétains. Ah oui, c'est absolument génial ce que l'Absam Rampa a fait, parce qu'il a permis un paquet de gens d'entrer dans l'ésotérisme. C'est ça. Bon, je n'ai rien contre ce qu'il a fait, c'est merveilleux, c'est parfait. Sauf que non, il n'y a pas de disque avec des hologrammes et ces choses-là. Parce que tu parles des secrets, tu as parlé de la métagnomie, le cuberlandisme et tout ça. Ça, c'est des choses que justement on a pu lire dans l'Absam Rampa, des secrets que... Cuberlandisme, métagnomie, non. Troisième œil, oui. Bon. Et lévitation, oui. Bon, qui ont été dévoilés, mais y a-tu un secret qu'on ne connaît pas nous-mêmes encore? Là. Oui. Non, mais pas. Mais faut pas le dire. C'est trop fort, là. Faut pas le dire. Qu'on ne connaît pas. Écoute, toi, tu en connais pas mal parce que tu voyages beaucoup. Mais on va y arriver. On va décrire encore le système au complet. Comme ça, ça nous permet d'enquêter là-dedans. Là. Où en étions-nous? Dans la vallée, là, avec le matériel. Les gens transportaient. Dans l'Himalaya. Pas plus. Merci. Donc, effectivement, les bonhommes, mais juste des hommes, hein? Juste des hommes, pas de femmes. C'est une vieille religion. La femme n'est pas encore tout à fait admise dans les lauréats des dieux. Alors, les personnages vont placer les choses là, ceux qui vont vivre là. Ils vont vivre là. Et de temps en temps, il y a des moines tibétains de certaines lamasseries qui vont migrer aussi pour aller les remplacer. La majorité des endroits où ont été cachés les parchemins et toutes les tracasseries tibétaines sont présentement protégés par le microclimat, sont protégés par des vieillards. Ah, ça veut dire que d'autres, ils restaient, ils gelaient dans leur place, puis envoyaient quelques personnes avec des livres dans les places où il faisait chaud. Exactement, pour protéger ça. Pourquoi? Parce que ce qui arrivait, c'est que s'il y avait eu une trop grosse migration des moines les plus importants, les Chinois seraient doutés de toute l'affaire au complet. Alors, on envoyait uniquement des individus corrects, des individus initiés par un paquet de rythmes, si on peut en parler si on veut. Et puis, ces personnages-là qui étaient très jeunes, ont été jusque-là avec certaines personnes plus âgées qui sont mortes depuis maintenant et qui les ont emmenés là. Mais la majorité des endroits, des cuvettes au niveau climatique, sont gardés par une minorité d'individus. Et le Dalai Lama n'a pas été là, il s'est poussé ailleurs. En se poussant, il a amené avec lui un paquet d'individus, donc de grands lamas. Et ça a fait en sorte que la Chine, etc., pensait qu'il n'y a rien n'était caché là-bas. Même si les Chinois savent, parce que les Chinois ont continué à fouiller longtemps, avec des avions, avec des radars, avec donc des radars, des micro-ondes, ça traverse les nuages, ça nous permet de lire un peu en dessous. Mais leur technologie est encore un peu près des moteurs à vapeur, fait qu'ils ne sont pas encore parvenus à tout trouver. À cartographier l'Himalaya au complet, de toute façon. Alors, pour prendre la peine de cacher ça, il doit vraiment le camoufler. Il y avait quelque chose de vraiment de valeur dans ces documents-là. Oui. Je présume. Là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces documents-là? Bon, il y a les livres, les écrits qui peuvent permettre à certaines génétiques humaines, OK, donc en l'occurrence aux Tibétains, probablement aux Chinois, probablement aux Népalais, puis à une partie de l'Inde, mais pas tous les hindous, là, mais il y a des critères génétiques. Il y a ce qu'il faut pour permettre l'enseignement direct et correct de la vision de l'aura. La problématique de la vision de l'aura, puis ça, c'est facile à enseigner aujourd'hui, parce que nous, par exemple, vous ici, vos génétiques, là, ce soir, en 15 minutes, probablement 80% des gens ici pourraient voir l'aura. Bon, ça s'enseigne facilement à des gens, à une génétique comme la nôtre, pour le niveau de l'aura, là. Marcher sur les eaux, c'est différent. Bien, vite, ça te suffisait pas. Ici, parce que de me surveiller, ça va bien. Ouais, bien, évidemment, ça gère ici. Bien, on donnera des cours, là. Les gens ne pourront pas dire « Ah, c'est pas vrai, ça marche. » Et votre cours, bien, il est bon pour trois mots. Fait que, ça, si ça ne marche plus, bien, On a rempli notre mandat. Pas notre fausse, les lacs sont gelés. Mais il y a la lévitation, il y a la vision de l'aura, la problématique de l'aura, je le dis souvent en conférence, c'est que bon, l'aura, c'est un rayonnement magnétique, électromagnétique, qui se dégage de toute circulation d'électricité. Tout le système nerveux humain est un système bioélectrique. Et par sa circulation, il émet effectivement des champs électromagnétiques qui ne sont pas limités dans l'espace, qui vont à l'infini, mais allant à l'infini, il se dilue. Alors, notre cerveau est capable de voir l'aura. Ce n'est pas les yeux qui voient l'aura, c'est le cerveau. Mais la majorité des gens vont apprendre à voir avec leurs yeux parce qu'ils ne sont pas capables de convaincre leur ego de regarder avec leur cerveau. Puis, bon, les yeux, c'est une extrapolation, c'est une partie qui vient du cerveau. Chez le fœtus, il y a le cerveau qui commence à se créer. Puis du cerveau part, à un moment donné, les nerfs optiques, puis finalement, on va aboutir aux yeux. C'est une partie du cerveau qui va devenir capable de voir la lumière, qu'on appelle la lumière visible, parce qu'on la voit. Alors, on peut voir l'aura. La problématique, c'est que quand on voit l'aura de quelqu'un, on voit les couleurs. Par exemple, je vois ici des auras rouges, des auras vertes. Je passe ma main bien vite, là, pour que les gens s'imaginent que c'est la leur. Et puis, la problématique, c'est que les gens disent, « Bon, regarde, son aura est verte, donc elle peut, c'est ceci, cela, cela. » Mais c'est qu'on voit toujours l'aura du voisin au travers de la nôtre. Ce qui fait que si la mienne est, par exemple, jaune et que la sienne est, par exemple, bleue, ben moi, je vais avoir une aura verte. Et là, je dis, cette personne-là, elle est ceci, cela, cela, et je me le gourre totalement. Les Tibétains, par contre, eux, développaient la vision de l'aura par l'ouverture chirurgicale du troisième œil. Oui, mais il n'était pas trop délicat, l'ouverture de chirurgicale. Ben, c'est-à-dire qu'il n'était pas délicat. Il droguait comme il faut avant. Après ça, il faisait un trou. Ben là, il y a des processus. On peut même voir des couleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ça, la technique, là, mais c'était une cheville de bois là, avec un bon coup de marteau au front. Avec des briquets et tout. Et je vois des couleurs, j'espère. Mais les chrétiens ont fait la même chose, j'ai envoyé les étoiles. Tu peux faire le trou n'importe où, tu vas avoir des couleurs. Ouais. Et pourquoi tu dis que ça s'adresse à leur génétique? On n'a pas le même front? On n'a pas assez de fond pour faire ça, c'est ça. Mais c'est ça. Fractionné, nous autres, faire ça. Mais ça, la génétique, t'es toujours tout le monde autrement. Mais eux, ce qu'ils avaient, c'est intéressant là-dedans, c'est qu'ils traumatisaient suffisamment le cerveau pour engourdir une partie du cerveau, de façon à donner l'expérience cérébralo-astrale, c'est-à-dire que l'être humain, psychologiquement, vivait l'expérience de la vision de l'aura. Donc, après, qu'il l'avait vu, qu'il avait expérimenté le temps que ça guérisse, il avait suffisamment expérimenté pour se rendre compte, pour être capable de se convaincre fermement qu'il le voyait. Donc, par la suite, il le voyait. La problématique, après, c'est que l'humain devait rentrer en phase d'initiation pour apprendre à fermer son troisième œil. Parce que tu te couches, tu viens de dormir, tu vois tout ça se promener, tu vois des corps astrales, tu dors, tu n'as plus de paupières. Alors ça, c'était la problématique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque, eux se servaient des visions de l'aura, mais il y avait une phase initiatique qui amenait l'être humain à avoir une âme suffisamment pure, donc qui amenait l'ego à disparaître totalement, à être totalement égoïque, un peu ce qu'il faut faire pour arriver à la conscientisation ou au contact supramental. Et quand tu as une âme pure, donc une âme translucide, nécessairement, quand tu vois l'aura extérieure, tu vois les vraies couleurs. Et ça servait uniquement en médecine, la vision de l'aura au niveau des Tibétains. Eux, là, ils pratiquaient la négalisation. Eux ne pratiquaient pas la négalisation. Quand il y avait des enfants qui naissaient là, qui étaient suffisamment expérimentés, c'était des réincarnations suffisamment longues, qui, par la métagnomie, on était capable de faire en sorte qu'ils pouvaient se rappeler de leur vie, très jeune, et immédiatement, il y a une technique de mort. Les Tibétains ont une technique pour... Avaient. Aujourd'hui, ils meurent comme tout le monde, ils meurent en disant « merde ». Bon, mais à l'époque, ils avaient une technique pour mourir, et dans la technique pour mourir, c'est une technique qui permettait non seulement de préparer le retour réincarnatif, mais ceux qui arrivaient à le faire convenablement, c'était des individus qui avaient la capacité de résister à ce qu'il y a de plus beau pour une personne qui meurt, c'est-à-dire que lorsqu'ils gagnaient le plan moronciel, après la sortie du corps physique, le plan moronciel, c'était un plan transitoire. Une personne qui est électrocutée, elle meurt, elle va dans le plan moronciel, de là, elle voit les ambulanciers, elle voit tout le monde, puis si on ranime le corps physique, elle peut revenir. Du plan moronciel va descendre du monde de la mort, du ciel, du monde de la mort va descendre des lumières, des canaux, des individus qu'on a connus, des personnes blanches, lumineuses, extraordinairement intéressantes, et normalement, l'humain va suivre. C'est parce que c'est ce qu'ils veulent, ils s'arrangent pour qu'on suive. Mais là, tu meurs, c'est ça. Et les Tibétains, certains Tibétains avaient la capacité, on peut faire ça aujourd'hui, sauf qu'il faudrait commencer avec des enfants pas trop âgés. Ça se fait, on peut faire ça aujourd'hui, s'arranger pour qu'à un moment donné, le Tibétain, lui, quand il mourait, rendu à un âge relativement avancé, il gagnait le plan moronciel, il n'avait pas de double éthérique, la nuance elle est là, il pouvait s'anégoïser, manquant d'intelligence, il n'a pas de contact, ne peuvent pas créer de double éthérique, et ce qui fait en sorte que depuis quelques, disons, centaines d'années, leur secret reste un secret, qui ne leur sert à rien. Et s'ils le pratiquent, c'est toujours un peu comme je pratique le démarrage de mon automobile, mais j'ai pas de batterie. Mais je ne perds pas la main. Alors, un jour, il faudrait qu'il y ait une batterie. Il faudrait qu'il manque quelque chose dans leur affaire. C'est pas long. Donc, ils regagnent le monde de Morentiel. Et là, ils sont capables, certains sont capables de refuser tout l'attrait extraordinaire du monde de la mort. Donc, tous les guides qui viennent et tout cela au complet, ils sont aidés par des lamas au sol qui vont, eux, dans l'astral, voyager sans arrêt pour venir bloquer les canals puis répéter à celui qui est présentement en attente d'attendre. Puis à un moment donné, ben là, il y a un corps physique qui va apparaître, qui va être suffisamment raisonnablement correct. Normalement, c'est un corps physique dédié, c'est-à-dire que c'est les parents savent déjà qu'il va avoir une alimentation particulière. Puis en temps et lieu, vers l'âge de 3 ans normalement, la partie qui est en attente va commencer à descendre. Étant donné que ce sont des personnes qui sont instruites des mécaniques de leur très bas âge à l'âge adulte, ils auront la capacité de se réincarner bloc par bloc. Ça veut dire que quand l'entité descend dans l'enfant de 3 ans, il descend exactement comme si c'était le guide spirituel de l'enfant de 3 ans. D'ailleurs, la majorité des visions des guides spirituels partent du Tibet et de l'Inde, mais surtout du Tibet. Les guides spirituels dans gens qui viennent t'aider et qui vont te faire croître, là, ça c'est tibétain, ça là. Alors, eux vont descendre lentement dans l'enfant de 3 ans, qui est un corps biologique, avec une petite âme en formation, et ils vont commencer à instruire l'enfant de 3 ans, mais en réalité, ils pénètrent, ils prennent possession du corps progressivement, mais ils ne descendent pas comme souvent un être blanc, disons un Européen, enfin un nous autres le ferait. Il ne descendra pas bien ben vite dedans en espérant se retrouver dans le corps, il va détruire le corps. Alors, eux vont, par l'éducation, ils sont capables d'attendre, ils se font aider évidemment par les lamas qui restent là, et ils vont descendre progressivement. Donc, à 5 ans, l'enfant a le niveau spirituel, psychologique, mental et expérientiel d'un être humain probablement de 18, 20, 22 ans. À l'âge de 7, 8 ans, disons à l'adolescence, il est totalement réincarné. C'est-à-dire, juste pendant la puberté, là, l'entité peut se réincarner au complet. Donc, l'enfant à 12 ans est prêt à être un grand chef, à être un grand prêtre, à être un Dalai Lama. Les Dalai Lama sont reconnus à 3 ans. Bon, mais il est prêt. Ça veut dire que, puis comme on instruit son ego d'adolescent puis d'enfant tout le temps, que c'est ce qui est en train de se produire, bien, l'ego, il laisse. Son ego à lui, il laisse entrer la réincarnation. Il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucun problème, puis il le laisse totalement s'infuser à l'intérieur du corps physique. Alors ça, c'est ce qui va être le guide, et on va expliquer aux jeunes, puis l'entité qui se réincarne vient sous le nom, sous l'apparence d'un guide. Puis évidemment, importé en Europe, bien, aux Indes, après ça en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, puis ici, les gens recherchent encore des contacts avec des guides. Parmi les plus grands guides, il y a eu Jarkul, il y a eu... Il y en a un bon paquet. Et Ekankar va récupérer une partie de certains de ces guides-là qui sont incarnés pour dire que c'est des guides qui vont nous aider. Ils vont mettre Jésus là-dedans aussi. Alors que Jésus, c'est plus chrétien qu'Ekankariste. Et on récupère comme ça. Ce sont des dangers. Mais là, tu mentionnes du monde un peu partout. Là. Tu parles des choses qui ont été mentionnées dans Alice Bailey, puis des choses qui ont été mentionnées aussi dans Shambhala. Y a-tu des liens entre tout ça? Bien, Alice Bailey, elle a lu plusieurs livres, puis elle a été manipulée par différentes entités qui sont venues lui permettre d'écrire des livres. Bon, Alice Bailey, c'était pas une connaisseuse. Non, mais... C'était une écrivaine. Et c'était différents guides qui dictaient quoi écrire, donc Jarkul. Oui, bien, Jarkul, bon, OK. Oui, effectivement, Jarkul est venu la rencontrer. Mais elle, ce qu'elle a vu, bon, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que l'entité qui descend peut effectivement entrer en contact avec certains individus pour les faire écrire. Mais connaissant l'astral, l'astral, c'est une espèce de matière où...